Sauf comment nous la restons ensemble. Même si mi avouna des fois elle était très compliquée. Quand t'es passé une journée sans qu'on cause avec moi, pour telle raison on veut moi. Mais le soir nous t'es en accord, bébé. Merci ou la rentre dans mon vie. Quand mi t'es tout seul, moi t'es rôde souvent. Comment faut faire pour être aimé? Sans tes mains que la vie tend, allons si on veut aller.